arrive au marché, puis c'est party. Puis là, bon, on... Donc là, c'est l'arrivée. Ouais, ok. Ok, on arrive plus. Un, deux, trois. Let's go.